Les mots à la bouche font leur rentrée sur Webset Radio, ils n'ont pas changé leurs habitudes, oh que non. Ils picolent, ils mangent et ils lisent avec toujours autant de voracité. Aussi, je vous le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut en boire avec modération. Allez à table ! Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Deux superbes chevreuils, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des loups. Ça, c'est de la bonne viande. Les mots à la bouche. À table, on marche ! Allez à table ! Les mots à la bouche. Alors que l'Allemagne fête aujourd'hui son 1106e anniversaire et que la mère Angela attend sagement sa réélection, les mots à la bouche, eux, chamboulent tout. Je vous souhaite donc la bienvenue et le bonsoir sur le plateau des mots, installé ce soir en plein cœur du village international de la gastronomie sur les quais de Seine. Ce sera donc une émission particulière, car déjà il fait beau, et que cela n'était pas arrivé à Paris depuis au moins 2 mois. Mais surtout, car c'est le temps des retrouvailles avec un écrivain que nous connaissons bien et qui est déjà venu trinquer avec nous lors de la 2e émission. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du roi de Montmartre, Olivier Molin. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, autour de vous ce soir Olivier, des chroniqueurs que vous connaissez déjà peut-être et qui sont des habitués également. En plus de partir en goguette du côté de Strasbourg avec Colin Feldman de la web-revue Zone Critique, nous évoquerons votre dernier roman avec Grégoire de Rugy de la revue Limite, puis nous nous attaquerons à la bonne chair et au bon picrate avec le brigadier en chef Théo Torresilas du journal Saveur. Théo, un petit mot sur le menu ? Alors oui, effectivement, mais bon, vous l'avez dit, c'est une fête et comme toutes les fêtes, il a besoin d'une surprise. Donc le menu est surprise et se dévoilera tout au long de l'émission. Exactement, et les surprises seront nombreuses car la première s'appelle François Sardou et nous vient tout droit de Chine. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le Père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Alors Olivier Molin, après 9 romans au ton généralement burlesque, loufoque, joyeusement désespéré, rempli de personnages impayables qu'on n'a pas toujours envie de rencontrer mais pour lesquels on a toujours une tendresse et une admiration profonde, et bien après ces 9 romans, vous nous gratifiez d'un 10e, Les Retrouvailles parues aux éditions du Rocher en mai dernier, qui n'est pas sans rappeler une phrase de Johnny, Noir c'est noir, car vraiment c'est un roman qui tranche avec le reste. Donc voilà que vous arrachez l'étiquette rabelaisienne qu'on vous colle à la peau et que vous partez sur une sorte de thriller à la Shining. Alors première question pour ne pas coller avec toutes les autres, alors vous avez tranché, mais est-ce que vous avez pris un plaisir nouveau à écrire ce roman qui s'éloigne de vos standards habituels ? Oui, j'ai pris un vrai plaisir à l'écrire et en même temps j'avais fait un petit polar il y a quelques années qui était une commande d'une petite maison qui s'appelait les éditions La Branche. Avec pas mal d'anciens de la série noire et que dirigeait Patrick Reynald. J'avais pris beaucoup de plaisir déjà à faire ce petit polar qui était déjà assez sombre et donc, je pense qu'à côté des bouquins un petit peu fantasques dont tu parlais, à côté de ce côté un peu rabelaisien, il y a aussi quelque chose de plus noir en moi. Il y a quelque chose de noir en moi. Oui, mais ça se voit aussi, même dans vos romans comme l'avant-dernier, La fête est finie, où il y a quand même un aspect souvent désespéré chez vos personnages. Oui, alors souvent, effectivement, c'est dans les romans, entre guillemets, drôles, où il y a le plus de désespoir, je crois que c'est vrai. Là, c'est pas vraiment un désespoir, là, ce qui m'a amusé, c'est une conjonction de facteurs, en fait, ce bouquin. C'est d'abord un lieu que j'avais connu à Briançon il y a très longtemps et qui m'avait fasciné, que je décris dans le bouquin, un grand centre qui appartenait à une mairie de la banlieue parisienne et qui accueillait des enfants en colonie de vacances. Donc un lieu vraiment étonnant, quoi, surtout que j'avais été une semaine, il était vide. Donc je m'étais promis à ce moment-là de faire un truc, mais je ne savais pas quoi qui se déroulerait dans ce lieu. Et puis ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est quelque part, ce bouquin, c'est aussi la crise de la quarantaine, quoi. C'est un type qui a 40 ans, qui a bien réussi sa vie, qui a des gosses, tout va bien, etc. Mais il y a une fêlure. Mais qui est pourtant triste, ouais, sans il est triste et il y a une fêlure, quoi. Surtout. Il y a une fêlure, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même. Et donc il y avait ce personnage d'homme de 40 ans qui m'a intéressé à un moment donné. Et puis ensuite, ceux qui accueillent, les bourgeois lyonnais qui accueillent. Et là, oui. Ça me permettait aussi de parler de quelque chose dont je voulais parler depuis longtemps, c'est-à-dire une évocation de la bourgeoisie. Parce que mes bouquins, généralement, les précédents en tout cas, se passent pas tellement dans le milieu de la bourgeoisie. Non, absolument. Voilà. Ou alors ils rencontrent des bourgeois, mais il n'y a jamais une focalisation comme dans ce bouquin. Alors Olivier, je vous coupe une première fois, car nous avons le plaisir de recevoir donc François Sardou, qui représente au village international de la gastronomie le stand de la Chine, car vous êtes sinologue et vous nous avez apporté de quoi attaquer l'apéritif. Dites-nous en plus, François. Oui, tout à fait. Merci de m'accueillir déjà. Donc voilà, oui, je suis un Chinois blond aux yeux bleus, donc c'est un peu spécial. Mais sinon, oui, je représente vraiment l'alcool national chinois, qui s'appelle Mao Tai. Le Mao Tai. Voilà, alors on l'écrit M-O-U-T-A-I, hein, si vous pouvez trouver sur Google. Et donc ensuite, voilà, c'est un alcool de céréales, de sorgho et de blé. Et en fait, c'est vraiment l'alcool national. Là-bas, c'est sur toutes les tables, tout ce qui est synonyme de fête, on boit cet alcool. Alors, c'est un alcool qui fait quand même 53 degrés, mais ah oui, ça va, il reste quand même 47% qui ne sont pas de l'alcool. Et c'est un alcool voilà, blanc et qui se conserve très très bien. Oui. Donc voilà, je vous conseille vraiment de. Et qui conserve bien son homme après qu'il en ait bu 2-3 pintes. Oui, voilà, au contraire, ça permet de retrouver un peu de saveur et un peu de, voilà, de détente. Oui. Et donc voilà, nous on a deux boutiques à Paris, une dans le 13e évidemment et aussi dans le 8e. Et donc nous on accueille les bras ouverts pour faire découvrir vraiment ce pan méconnu mais en même temps essentiel oui. de la culture chinoise voilà, depuis l'époque impériale. Eh bien impeccable, eh ben, un grand merci François, donc on va pouvoir attaquer ça. Je vous laisse le pichet rempli pour que vous puissiez déguster tout ça. Merci beaucoup, on vous rapportera ça juste après. Je vois même que vous nous avez apporté une petite fiole avec, c'est de l'eau. Ouais, de l'eau à 53 degrés. Très bien, eh bien merci beaucoup François. Merci à vous. Je vais laisser notre brigadier nous faire un petit service. Et alors, Grégoire, je sais que vous êtes un très grand admirateur de Molin. Vous l'avez interviewé notamment lorsque la fête est finie et paru aux éditions de Noël. Et lorsque je vous ai proposé cette émission, vous étiez particulièrement emballé justement de voir Olivier et surtout emballé de son dernier bouquin. Dites-nous en plus. Comme tu l'as dit, Yves, Olivier Molin nous a surpris en mai dernier, fini les aventures picaresques, les zinzins en quête d'absolu, les échappées belles d'un monde trop moche. Vous publiez Les Retrouvailles et à vrai dire, on ne vous y retrouve pas du tout. Alors, impossible de vous reconnaître dans ce roman, peut-être parfois au détour d'un dialogue ou d'une formule bien sentie, on sent que vous ne pouvez pas contenir votre verbe rablaisienne. Mais quand même, ce changement de style est heureux car il montre l'étendue de votre palette. Cette fois-ci, vous nous plongez dans un huis clos terrifiant. On fait la connaissance de vieux amis de fac qui se revoient après de nombreuses années. Et tout cela se passe dans une maison de montagne très isolée. Aux chaleureuses retrouvailles se succèdent des éclats de voix, des sous-entendus pesants, les rendez-vous nocturnes qui viennent hanter les couloirs glaciaux du chalet. Quiconque, Yves le rappelait, a vu Shining de Kubrick, ne peut empêcher les images cauchemardesques de lui venir en tête. Olivier Molin, vous maîtrisez tous les codes du thriller et du suspense, pour le dire en bon français. Je n'ai pas lâché votre roman des mains, tout autant terrifié qu'avide de connaître le fin mot de l'histoire. Alors, refermant le livre, on se demande simplement si vous allez continuer dans ces romans de genre, ou bien renouer avec vos histoires délurées d'antan. Dans les deux cas, vous nous régalez, alors qu'importe le menu pour vous, pourvu qu'il y ait Molin. Merci beaucoup Grégoire, merci. À votre question, qui est une vraie question dont je n'ai pas forcément la réponse. Je le disais avant, je pense que j'ai vraiment ces deux écritures, si on veut, en tout cas ces deux manières de raconter. Et aujourd'hui, j'ai des idées qui vont dans les deux sens. Donc je ne sais pas encore de quoi sera fait le prochain livre. Parce qu'on voit quand même une même substance, parce qu'on rit encore vraiment en lisant les retrouvailles. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce d'humour désespéré qui vous caractérise. Et à la fois, c'est vrai qu'il y a moins d'espérance. Alors est-ce que vous-même, est-ce que ça caractérise, je sais pas, peut-être une... quelque chose qui vous arrive dans votre propre vie ou... C'est très difficile il y a certainement aussi l'effet de l'âge, l'effet on n'est pas tout à fait le même à 20 ans qu'à 47 ans, j'ai 47 ans aujourd'hui, il y a peut-être aussi l'âge. J'ai une crainte quand même pour l'aspect un peu entre guillemets picaresque des bouquins précédents que j'adore faire et j'ai toujours des idées et des choses à dire là-dedans, mais il y a toujours quand même le risque, parce que c'est le risque qui pend un peu au nez de tous les écrivains, c'est le risque du disque rayé quoi. Parce que, alors moi ça me dérangerait pas de les faire hein, le disque rayé, puis on écrit toujours un peu le même livre, mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu peut-être cette crainte que j'ai, parce qu'il y a des gens que j'admire beaucoup et parfois qui sont devenus un peu les disques rayés, c'est toujours ça fait un peu de la peine quoi, on a envie de... Et donc moi s'il y avait aussi un côté un peu nouveauté, faire ça c'était un peu nouveau, ça m'a excité, il y a aussi un côté purement, voilà, je sais pas si ça correspond à une nécessité si vous voulez interne, vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais en revanche vous restez dans le roman justement, mais les rares sont quand même les romanciers qui restent au roman et qui ne passent pas à l'autofiction ou je sais pas, des sortes de... Non, je reste dans le roman et le roman, comment dire, le roman d'imagination quoi. Oui, et bien soyons imaginatifs goûtons cette petite boisson chinoise, absolument. Oui, c'est plutôt pour les hommes, comme dirait l'autre. Oui, c'est... Effectivement, ouais, mais il y a un petit goût de caramel, là, voilà. un petit goût de betterave. Théo, dites-nous. Théo, vous-même êtes un grand admirateur de Molin. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement de ce dernier roman, vous qui en lisez depuis des années ? Alors oui, effectivement, bon alors je vais... Ça bouffe. Pardon, ça bouffe ? Oui, ça bouffe, effectivement. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, en fait, on relève les différences, effectivement, mais on retrouve de toute façon ici aussi une manière détournée de donner une vision critique et satirique de l'époque. Et ça, c'était déjà le cas dans les romans picaresques, d'une manière détournée toujours, mais autre que celle-ci. Mais au final, le constat reste le même, c'est que l'époque dans laquelle on vit est une époque triste et douloureuse. Enfin, il y a une manière quand même de donner ce constat-là, non ? Si je peux ajouter peut-être une chose, parce que c'est intéressant, effectivement. Je pense que, tel que je le sens, mais je ne suis pas forcément d'ailleurs le plus à même de parler de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a, quand je disais qu'il y avait les deux en moi, c'est-à-dire, je veux dire qu'il y a d'un côté le réenchantement, parce que la plupart des livres avant, c'est pas forcément que le constat que l'époque est pourrie, elle l'est, mais c'est qu'on peut la réenchanter. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi, dans le polar que j'ai fait il y a quelques années, c'était déjà un petit peu comme dans les retrouvailles, c'est-à-dire aussi de montrer pourquoi finalement cette époque est pourrie. C'est-à-dire que quelque part, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que j'ai commencé à réenchanter l'époque avant de la montrer telle qu'elle. Avant de montrer pourquoi elle doit être réenchantée quelque part. Donc je me dis que finalement, la montrer, parce que les retrouvailles est quand même beaucoup plus. Pour le coup, il n'y a plus cet enchantement, c'est véritablement des gens dans toute leur saloperie. Saloperie humaine quand même, hein, qui agit de manière assez. Mais qui sont des gens plutôt banals au final, qui ne se révèlent pas comme des monstres, parce qu'on voit qu'ils ont les deux antipodes et que. Surtout ce qui les ravage, j'ai l'impression que c'est l'ennui profond. Mmh. Au moment où on voit Flore, justement, il y a donc Laurent Campanelli, qui est le mari, votre principal protagoniste, qui justement avait une amourette d'adolescence où il écoutait du Brahms en lisant Les Amours jaunes de Corbière, sur lequel on reviendra, avec cette fameuse Flore, qui est la petite sœur, qui était en première à l'époque, je crois, de son ami Michel Daubert. Et on voit que dans l'évolution des deux personnages, elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais du moins que c'est l'ennui qui les guette et qui les ronge et qui fracasse toutes leurs illusions, leur volonté d'être le plus grand. Bien sûr, et qui est aussi, mais je pense que là, c'est pas uniquement l'ennui de l'époque, là pour le coup, c'est vraiment il y a quelque chose de la condition humaine, j'ai envie de dire. Enfin, c'est assez banal. C'est un mec qui regrette simplement sa jeunesse, quoi. Parce que sa jeunesse, les choses paraissaient absolues, parce que d'abord, il y avait des voies qui avaient l'air infinies, tout était possible, etc. Et tout d'un coup, ce qu'il dit à un moment donné, il dit en fait, la vie c'est quoi ? C'est à un moment donné, on prend un chemin et puis on n'en sort plus, quoi. Et on prend un chemin, et alors qu'à 20 ans, il y avait plein de chemins qui se proposaient à lui. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Il y a profondément quelqu'un qui a aimé l'art, qui a aimé la littérature, qui a aimé la musique et qui finalement avec l'âge, et ça quand on regarde autour de soi, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, lassitude, les gens qui finalement abandonnent un peu tout ce qu'ils ont aimé, ne lisent plus, c'est ça aussi le côté, cette tristesse de quelqu'un qui a abandonné ce qu'il aimait pour finalement accomplir une vie. Alors il n'y a pas de jugement de ma part, parce que la vie qu'il a accomplie, il avait des gamins à nourrir, etc., etc., mais je veux dire par là que c'est une vie purement pragmatique, quoi. Voilà, il a abandonné ses rêves, c'est ça aussi le cœur du sujet, je pense. Ouais. Eh bien, nous allons réenchanter ça justement en partant cette fois au Brésil, car nous avons le stand du Brésil qui nous fait l'immense plaisir de nous apporter des immenses caipirinhas. C'est un plaisir de les emmener. Comment vous appelez-vous? Guillaume. Eh bien, ouais, un grand merci. Alors vous représentez le stand du Brésil. Vous êtes français, mais je suis français, amoureux du Brésil. Oui. Et j'ai pu rencontrer une amie brésilienne et je me suis associé avec elle pour qu'on puisse tenir les stands du Brésil dans les festivals de la gastronomie et puis une petite boutique pour montrer aux gens comment la cuisine se passe brésilienne. Oui. Et donc la caipirinha est justement on va dire le cocktail. La grande boisson brésilienne à base de cachaça, qui est un peu comme du rhum brésilien, oui. Avec du citron, de la limonade et beaucoup de glaçons pour bien rester frais quand même, parce que l'alcool est présent dans le verre. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Vous en prie. Et merci on va à vous déguster ça avec grand plaisir. Avant de donner la parole à Théo, qui va nous glisser une petite chronique. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le Père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Oui, alors effectivement, nous allons parler. Je voudrais poser une question essentielle pour commencer. Pourquoi buvons-nous ? Certains, c'est fréquent, c'est même un lieu commun, boivent pour oublier. D'autres, plus éduqués, peut-être plus sophistiqués en tout cas, boivent pour se souvenir. C'était le titre d'un tout petit livre de Christian Autier aux éditions du Cendre, qu'il avait consacré à un vigneron extravagant et génial, Éric Calcutte, qui vinifiait des bouteilles troubles et sans comparaison que quelques-uns ont eu la chance de boire. C'est devenu comme un mot de passe qui soude une communauté de ceux qui ont dégusté ces vins hors du commun au sens propre. Avant que le vigneron ne disparaisse pendant quelques années, il a par la suite écrit un livre sur la Bible dans un langage de banlieue après avoir travaillé sur une douzaine de traductions. Et il fait aujourd'hui des vidéos sur YouTube où il commande des fêtes de société dans sa voiture. Ça s'appelle Eric dans sa voiture. Je vous laisse aller voir et vous faire une idée. C'est en tout cas une personne comme il n'en existe pas deux et qui a le mérite d'avoir créé une communauté autour de ses vins. Car voilà une troisième raison de boire, la plus importante à mes yeux. Rassembler les gens, leur donner des points communs, former un lien. Antoine Blondin parlait de verre de contact, on connaît son bon mot. Or la bouteille que je veux vous présenter est l'exemple typique d'un vin qui réunit. Le vigneron, Jeff Carrel, est implanté dans l'Hérault et il a décidé de vinifier un Riesling, un cépage typiquement alsacien, donc comme nos amis Olivier Molin et Colline, ici présents. Mais il le fait dans un terroir du sud, plus ensoleillé. On pourrait s'attendre à un vin sucré et charnu, comme le laisse aussi penser sa couleur dorée, qu'on devine à travers la bouteille alsacienne également. Mais on a au contraire un vin sec et minéral, très acide et rafraîchissant. Cette cuvée, Goldfish, sous-titrée « Comme un poisson dans l'eau », fonctionne très bien à l'apéritif et fera parfaitement ce travail de lien social réunissant le nord et le sud dans le verre et autour de la table, n'est-ce pas Yves, mon camarade toulousain ? Absolument, absolument, merci beaucoup Théo. Les mots à la bouche. Alors, on se met à attaquer les caipirinha. Alors justement, Olivier, dans vos romans, on boit toujours autant, mais alors l'ivresse est changeante maintenant. Avant, on buvait avec une sorte d'ivresse festive, on se retrouvait dans des bois à parler à des cerfs défoncés, à parler à des cochons qui se mettaient à montrer des sortes d'apocalypse mystique. Et maintenant, on boit pour noyer son chagrin, on boit pour noyer son aigreur. Alors je voulais juste préciser un truc avant, j'ai peu de médailles, mais j'en ai une. Je fais partie de la secte de ceux qui ont bu du Calcut, je voulais le préciser. J'en ai bu un jour, j'ai bu une bouteille de Calcut avec des amis. Il y a l'ami Christian Autier notamment qui exactement, en parle en disant exactement. Qu'effectivement c'est une confrérie. C'est avec lui que j'ai bu un jour un Calcut. Voilà. Et cela dit, non mais tu as parfaitement raison, mais je crois que c'est exactement enfin, ce que je disais avant, c'est-à-dire de l'alcool en soi, c'est pas un sujet, c'est-à-dire que c'est en vérité, c'est tout dépend de ce qu'on en fait. Mais c'est un révélateur. C'est un révélateur, mais dans les retrouvailles, bien entendu, comme ce que je voulais montrer, c'était le côté épouvantable d'une certaine, vieillesse, enfin pas en vieillesse, mais une avancée en âge, des côtés un peu épouvantables de la bourgeoisie qui est prête à tout, qui n'a pas de limite pour accéder à ses désirs. Voilà, je voulais un peu montrer, donc forcément, l'alcool à ce moment-là, les gens, alors, ils boivent, ils croient s'amuser, mais en vérité, ce qui ressort quand ils boivent, c'est simplement leur âme, finalement. Oui, c'est tout, c'est ce qu'ils sont, quoi. On boit à plusieurs, mais on est tout seul. Voilà, exactement. Et puis, c'est tous les fantasmes, qui ressortent, les complexes, etc. Il y a notamment le jeune de la famille, qui est un peu le raté de la famille, mais qui est plein aux as quand même. Ils vont, et quand ils picolent, il y a tous ces complexes qui ressortent, toutes ces haines, toutes ces... Oui, oui, mais je voulais, en fait, une ambiance... Après, il y a aussi, il y avait un projet derrière. Ce que je voulais, c'était une ambiance un petit peu oppressante, un huis clos, ce que Grégoire a dit avant, un huis clos un peu oppressant, qu'on a envie de fuir, quoi. Et puis, alors, le truc, évidemment, ça, c'est le truc du romancier, c'est un peu facile, mais le fait qu'il y ait une tempête de neige autour et que tout soit bloqué, les mecs sont bloqués là, quoi. Oui, et c'est là où on peut commencer à voir comment les types vont se décomposer et comment les âmes vont se montrer, quoi. Grégoire, ouais. Oui, vous parliez tout à l'heure de critique sociale, c'est-à-dire de la bourgeoisie. Moi, ce que j'ai surtout vu, c'est un condensé de 150 pages où on se fait peur, on adore se faire peur. C'est à mon avis, pas trop surestimer le côté critique sociale. On passe surtout 2h30 rivé à son bouquin, on peut pas le lâcher. Et il y a tous les codes du thriller. Enfin, c'est surtout ça qui marque. Mais après, moi, je suis un vrai. Enfin, quand j'étais plus jeune, en tout cas, gamin à 20 ans, je regardais beaucoup les films d'horreur. J'adorais ça. Et en plus, je suis un bon public parce que j'ai vraiment peur. Il y a des gens que ça fait marrer. Moi, j'avais vraiment peur, mais j'adorais ça. Et donc, il y a aussi un petit hommage au côté épouvante, quoi. Et alors, il y a une chose assez intéressante, si on repense à l'alcool et à ce huis clos, c'est qu'encore une fois, on s'exile. Dans la plupart de vos bouquins, justement, on part d'une ville où tout est assez banal, où on s'emmerde un peu, pour aller dans un lieu où on se révèle, que ce soit en bien ou en mal, donc que ce soit en pleine nature, dans La fête est finie, et j'en ai d'autres en tête. Et là, c'est la même chose, c'est que on part dans un endroit qui est gigantesque au final, et qui est presque comme hanté, justement, parce que c'est un ancien centre de colonie. et donc hantée par une présence d'enfance qui est censée être belle, voilà. Et qui au final est pire encore parce qu'elle décompose comme c'est ça. Comme puis c'est des champignons. C'est un centre où on peut, je crois, je veux dire, à un moment donné, ce qui est vrai, parce que ça je l'avais connu, ce centre qui était à Briançon, même si je ne le mets pas à Briançon, mais il y avait à peu près 100 gamins qui pouvaient coucher dans des dortoirs ou dans des chambres individuelles. Et c'est vrai que l'idée que d'enfants absents, à un moment donné d'ailleurs le type qui va rejoindre Flore pendant la nuit pour un petit conciliabule imagine des enfants planqués partout, enfin il y a un côté aussi un petit peu oppressant du fait de cette absence. Et puis après je pense qu'il y a aussi parce que c'est la première fois que je sors, enfin première fois, la plupart de mes livres se passent soit en plaine soit dans les Vosges, qui est une montagne, vous savez, très accueillante, très ronde, très ancienne, et c'est la première fois que je vais dans les Alpes, et c'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi que cette nature devient hostile, parce que les Alpes pour moi ont toujours cette vision d'une montagne extrêmement violente et piquante, et beaucoup plus hostile que nos chers Vosges. Et il y a toute cette crispation justement dans les ambitions littéraires. On sent quand même que Laurent Campanelli, même s'il a fait des études d'histoire, il était en cagne-hippocagne avec son ami au lycée du Parc à Lyon, et on sent, parce qu'il disait avant, je lisais les Amours jaunes, et puis justement il y a un moment il se retrouve devant Flore qui lit Malcolm Lowry, donc au-dessus du volcan, et là il n'arrive plus à s'y retrouver, comme si au final vous avez dépeint plusieurs personnes que peut-être vous fréquentez ou pas, que la littérature est une aspiration, est un absolu, mais que bien peu au final vraiment arrive à foncer. Il y a là, à rebours de l'enchantement que j'essayais de faire dans les précédents, il y a un désenchantement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a cru à tout ça et en fait simplement la vie l'a rattrapé, quoi. La vie l'a rattrapé, c'est-à-dire lui a obligé de faire un boulot un peu con, mais qui rapporte beaucoup. Donc, c'est quelque chose ça, qu'on ressent tous, je pense, dans nos vies à différents niveaux. Mais entre l'aspect, ce qu'il faut bien faire pour réussir à survivre, et ce qu'on aimerait, l'idéal, quoi. Donc je pense que lui a renoncé carrément, mais il en est triste. Et finalement, cette faille va s'ouvrir et va le décomposer. Puisque l'histoire quand même, de ce livre, c'est quand même, mine de rien... la décomposition d'une personnalité en 48 heures, quoi. C'est un type qui arrive père de famille souverain, ayant réussissant bien sa vie, enfin étant absolument souverain, et qui en deux jours va se retrouver décomposé. Voilà. Et je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire ces personnalités fragiles qui disent beaucoup de notre époque, de gens qu'on croit souverains, etc., et qui en fait ont des failles, et tout d'un coup ces failles peuvent s'ouvrir, parce qu'en vérité on voit bien que c'est des constructions qui reposent sur rien, quoi. Et les choses peuvent s'effondrer tout d'un coup. Voilà. C'était ça aussi qui m'intéressait. C'est la première fois que je me lance un petit peu, on va dire, en m'intéressant un peu à la psychologie des personnages. Ouais. Avant, la psychologie ne m'intéressait pas du tout. Ça se ressent, effectivement, et on ira un petit peu plus loin tout à l'heure, en voyant que justement c'est souvent tout un miroir de tout un tas d'hommes qui justement sont dans cette position. Mais nous allons quitter les tam-tams africains du village de la gastronomie, et en hommage à l'amour manqué de Flore et de Laurent, nous allons nous plonger dans leur jeunesse et écouter la danse hongroise numéro 5 de Brahms, mieux encore que tous les parfums de Chanel. Vous êtes sur Web 7 Radio, à tout de suite. les mots à la bouche. Vous êtes toujours sur le plateau des mots à la bouche en compagnie du Cosaque Olivier Laronde sur Webset Radio et en direct depuis le village international de la gastronomie sur le port du Gros Caillou sur les quais de Seine. Alors Olivier, revenons aux retrouvailles justement, à nos retrouvailles et aux retrouvailles évidemment, votre livre paru au mois de mai dernier aux éditions du Rocher. Ce que je trouve intéressant, c'est le rapport à l'histoire qu'a au moins un personnage et que d'autres ont et également, c'est que on a l'impression que l'histoire collective, l'histoire du passé, au final on a beau la connaître, on a beau la savoir, elle ne représente pas grand chose, car ce qui compose vraiment un homme, que ce soit lui et toutes ses relations, c'est l'histoire individuelle, c'est toutes les mesquineries, c'est... mais qu'au final, puisque Laurent est prof d'histoire et qu'il a fait des études, enfin il est ancien prof d'histoire, on n'a pas l'impression que l'apprentissage de ce qui s'est passé avant nous est comme si le monde renaissait toujours avec nous et renaissait avec des haines déjà cuites, des... Oui, on peut effectivement, c'est une lecture possible. J'y avais pas forcément pensé comme ça, mais c'est une lecture possible en effet. Parce qu'il s'agit en effet de deux historiens, deux anciens donc condisciples, dont un a continué, est devenu prof d'histoire, et l'autre a abandonné, a fait autre chose. Ils se retrouvent, et c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'ils aient un petit peu une vision, comment dire, plus élargie, enfin plus profonde. Et en effet, mais je suis pas sûr, enfin. Dans mon esprit, en tout cas quand je l'ai écrit, le fait qu'il soit historien n'a pas été déterminant, quoi. Ça n'a pas été absolument déterminant dans mon esprit. Alors que pourtant c'est une formation justement où il quitte Michel Aubert, qui lui aspire à l'ENS. Et au final, l'histoire ne lui apporte pas grand-chose parce qu'il finit par plonger dans une modernité bien plus apaisante en bossant dans une start-up et il se tient à la page de toutes les nouveautés technologiques. Si vous voulez, tout simplement, c'est aussi l'histoire d'un échec, hein, il a échoué, mais après c'est là où je ne le juge pas le personnage, il a échoué à faire ce qu'il voulait, bon ce qui arrive, et il a quand même réussi à retomber sur ses pattes, il a réussi à trouver un boulot, il est assez malin, il a créé des logiciels, je raconte à un moment donné, d'archivistique, à l'époque où dans les années 90 en effet, ou même avant, ça pouvait se faire encore un peu en freelance comme on dit, mais je veux dire que s'il n'y a pas de jugement, c'est juste que c'est effectivement un parcours individuel, ce qui m'intéressait c'était de montrer dans ce parcours a priori lisse et a priori équilibré, les failles, voilà, il y a des failles, parce que l'échec laisse peut-être toujours des failles, parce que on n'est pas toujours ce qu'on aimerait être, etc. quoi. C'est plus... Mais il y a effectivement une logique individuelle de disséquer une personnalité, c'est ça qui m'intéressait avant tout, quoi. Et après de mettre tout ça dans un récit, dans un cadre épouvantable, etc. Mais c'était quand même le personnage principal, c'est lui qui m'intéressait, avant tout. Alors avant de laisser la parole à Grégoire, alors que nous entendons un chant, l'appel à la prière, la retentir au village de la gastronomie, nous avons le Mexique à notre table. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous tenez le centre du Mexique et je vois que vous nous avez apporté un plat salé. Hein. C'est un plat salé, oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, nous, on propose la vraie cuisine mexicaine en France. C'est pour ça qu'on est venu à cette événement gastronomique. Parce que on s'est rendu compte qu'en France, on connaît le Tex-Mex, mais la cuisine mexicaine n'est pas très connue. Oui, vraiment. On connaît le fast-food et pas vraiment toutes les particularités. Voilà, oui. Et là, on présente pour la fête de la gastronomie un plat que, si bien c'est dans le street food, considéré street food, c'est un plat qui a une préparation très longue. Oui. Donc, et là, je vous présente un plat d'inspiration française parce que c'est un confit de porc. Un confit de porc. C'est un confit. Voilà, c'est une recette inspirée par le confit de canard, originaire de l'État de Michoacán, au Mexique. Est-ce que la gastronomie fait vraiment partie prégnante de l'identité culturelle du Mexique? Bien sûr, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes au Mexique, sachant que c'est la seule gastronomie traditionnelle, la cuisine traditionnelle, patrimoine de l'humanité. Très bien, eh bien, j'espère que ça va pouvoir coller avec de la caipirinha et un bon vin blanc. Bien sûr, ça colle très bien avec la caipirinha. Très bien, eh bien, merci beaucoup madame, et on va pouvoir se régaler... durant cette émission des mots à la bouche. Je vous remercie. Merci. Alors Grégoire, poursuivons avec Olivier Molin. Je vais passer du coq à l'âne et de l'âne à la dinde, puisque l'année dernière vous aviez publié une chronique dans Valeurs Actuelles suite à l'intervention télé de Christine Angot face à François Fillon, on s'en souvient, et vous concluiez cette très belle tribune par une phrase qui m'avait beaucoup interpellé. Vous disiez: un vent nouveau se lève sur les lettres françaises, un vent qui renoue avec l'épique, le picaresque. Mais de quoi se constitue cette relève? Est-ce que vous voyez vraiment une émergence d'une nouvelle littérature? Il y avait une part évidemment de, comment dire, vous savez, des réalisations qui se auto... auto-performatives. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'appelle en lien. Cela dit, c'est une impression assez, comment dire, c'est pas... mais l'impression que j'ai, en effet, comment on dit ça, vous savez, c'est un petit peu... c'est pas très précis, mais j'ai l'impression quand même, effectivement, qu'il y a un vent un peu qui se lève et que toutes les histoires un petit peu, on va dire, de littérature nombriliste, de littérature qui... Alors moi, je suis pas forcément opposé d'ailleurs à la littérature... intimiste, hein. Il y a des choses très bien qui ont été faites, il y a des livres qui vont très loin dans l'analyse de soi-même et qui sont intéressants, mais je pense qu'il y a eu des excès, quoi. Il y a eu des, à un moment donné, souvent, il faut le reconnaître, c'était des filles qui écrivaient des trucs totalement ineptes, aucun sens. Bon, je pense que j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau des gens qui veulent se confronter au roman, qui veulent se confronter aux grands romans français, réalistes, même à cette rentrée. Là, je suis étonné, il y a un livre de Patrice Jean qui est sorti, L'homme surnuméraire, qui est un livre merveilleux, flaubertien, qui se confronte vraiment au roman, qui arrête les trucs de raconter des petites histoires qui n'intéressent personne. Il y a aussi Mathieu Young qui a sorti un très très beau livre, pareil, un roman de 750 pages chez Anne Carrière, qui s'appelle Le triomphe de Thomas Zins, qui est formidable. J'ai l'impression qu'il y a, si vous voulez, peut-être, vous voyez, une génération un peu des mecs qui arrivent, sont un peu plus jeunes que moi, ils ont à peu près 35 ans, et qui veut de nouveau mettre un souffle romanesque, quoi. Mais c'est une impression, voilà, il y a toujours, hein, et puis même, comment dire, les gens comme Mango, etc., sont totalement discrédités, en vérité. Donc voilà, je disais ça à la fin de cette chronique, parce que je ne voulais pas terminer sur quelque chose de désespérant, mais je crois, oui, que c'est un peu le cas, ouais. L'homme surnuméraire qui a paru aux éditions Rue Fromentin, ouais. Donc du coup, ce serait un peu comme un retour à l'imaginaire, à une certaine métaphysique, romanesque, à des personnages romanesque. Vraiment campés, des idées qui s'affrontent, avec des exactement, des, mais je dirais pas, enfin, je crois pas que la tradition du roman français soit métaphysique, on n'est pas russe, hein, malheureusement ou heureusement, enfin, on est ce qu'on est, quoi. Mais je veux dire que le roman français, pour moi, le grand roman réaliste français, quoi, c'est une construction romanesque, comment dire, c'est avant tout du roman, justement, c'est avant tout du roman. L'idée, à la limite, elle vient, il y en a dans l'homme surnuméraire, mais c'est pas l'important, quoi. C'est juste de reprendre d'avoir un vrai souffle romanesque et que le roman reprenne son rôle, qui est d'essayer de comprendre le monde comme la science ne pourra jamais le comprendre. C'est-à-dire que c'est une autre manière d'aborder le monde, et il n'y a que le roman qui peut à un moment donné montrer les choses, comment dire, les tectoniques souterraines, quoi, montrer ce qui dans une société en souterrain fait que les gens vont vers là ou vers là, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça le roman, et ça, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui revient, mais bon. Merci Olivier, ouais. Et donc nous allons partir dans les cuisines, nous allons quitter la librairie, nous allons repartir avec Théo. J'écoute. Salade of tomatoes et entrecôte bordelaise. Avec du Coca-Cola. Oh non. Oui, alors je voulais parler de la fin. Je voulais parler de la cuisine, alors qui elle obéit à des modes, alors bon, le roman également, mais la cuisine aussi a des modes, a des influences, a des habitudes, mais elle obéit avant tout à des cycles, et le cycle de la nature et des saisons avant toute autre chose. Un temps, l'homme, supposé maître et possesseur de la nature, a cherché à contourner ses contraintes pour manger des fraises en hiver ou des asperges toute l'année. Et la tendance actuelle rejette ces illusions, forte de constats écologiques catastrophiques. Et l'on entend des nouvelles injonctions qui seraient passées pour la palissade il y a quelques dizaines d'années seulement. Il faut respecter les saisons et manger en priorité les produits qui nous poussent sous la main au moment où ils sont les meilleurs. Rien de nouveau sous le soleil, et pourtant... Quand on respecte ce cycle, on retrouve le bonheur que Yves Candebord vante souvent d'ailleurs, le bonheur de retrouver une saison. Une saison qu'on a attendue une année entière. À mon sens, il en est deux qu'on attend avec plus d'ardeur. Ce sont les saisons de transition. Le printemps avec le déferlement des légumes primeurs et celle dans laquelle nous entrons tout juste, le bel automne. Citons en vrac. Le raisin et les figues, les pommes et les poires, les champignons, cèpes et girolles en tête, les courges dont on fait les premières soupes, les bouillons réconfortants et les premières viandes à faire braiser dans des pot-au-feu nostalgiques. C'est une saison où l'appétit revient. Les salades et les poissons à la plancha laissent la place à des plats plus cuisinés, mijotés, touillés, élaborés, revigorants. On retrouve le plaisir de la cuisine. On prévoit des conserves pour l'hiver, on fait des confitures. C'est une saison à passer derrière les fourneaux et devant son assiette aussi, évidemment. C'est aussi la saison des vendanges qui donne lieu à des repas mémorables. Les vignerons, pour choyer leurs vendangeurs, se mettent en quatre dans les cuisines et proposent des poules au pot, des blanquettes de veau, des bœufs bourguignons, des pot-au-feu bien sûr. Tout ce qu'il faut pour récupérer les forces épuisées à ramasser de belles grappes. Et quand le froid commence à s'installer, on allume les cheminées, le feu crépite, et sur les flammes, on dispose d'une grande poêle pleine de châtaignes, préalablement encochées. Elles refroidissent dans du papier journal, et on les dépiautera avec ardeur, d'autant plus d'ardeur qu'on les aura ramassées dans les bois, où on aura passé l'après-midi à marcher, guettant des champignons, un bâton à la main. Et faute de cèpe, on mange des châtaignes. Et c'est très bien parce qu'elles accompagnent à merveille les gibiers qui reviennent aussi. Parce que c'est l'ouverture de la chasse qui annonce des dogues, des terrines, des rôtis merveilleux. Oui, vraiment, cette saison est belle et elle me donne grand faim. Les mots à la bouche. Merci beaucoup Théo, là on a une belle évocation de l'automne et effectivement pour vous plagier Olivier Molin, qu'est-ce qu'on sera emmerdé lorsqu'on n'aura plus qu'un picard et que le gibier sera congelé. Et interdit à chasser surtout. Et interdit à chasser. Tout comme les feux de cheminée sont interdits à Paris déjà et le seront un jour partout. Oui, ce qui parlait de feux de cheminée dans sa chronique. Oui, oui. Et alors, allons vers l'Alsace, parce qu'en ce moment c'est la pleine saison des vendanges en Alsace et en Champagne. Et vous êtes alsacien, je sais que vous êtes vraiment attaché à la terre. Et est-ce que vous y revenez un petit peu? Est-ce que justement vous avez un attachement vraiment, non pas que familial ou sentimental? J'ai un attachement familial d'abord à cette région, mais effectivement c'est un attachement qui aujourd'hui est bien plus profond que ça en fait. Ouais, après c'est bon, ça, on pourrait en parler des heures parce que c'est la question de l'Alsace me hante de plus en plus. Mais moi je suis un Alsacien j'ai été coupé en fait de ma culture. Je m'en suis rendu compte sur le tard, mais j'ai été coupé. C'est-à-dire que ma mère parle alsacien, mes grands-parents parlent alsacien, mes arrière-grands-parents, mes ancêtres, sur peut-être probablement 1000 ans, parlaient alsacien. Et moi j'ai été coupé. Il y a eu une rupture à mon époque, je n'ai pas appris l'alsacien. Et alors je me sens quand même alsacien, mais c'est vrai que je ne parle pas la langue. Je suis un Alsacien francophone. Mais ça me pose, si vous voulez, tout un certain nombre de questions aujourd'hui sur l'attachement, effectivement, sur l'identité, mais je me sens profondément alsacien et plus je vieillis, plus je me sens alsacien. J'aime cette petite région. Singe des bois, ouais, ça veut dire un truc, ça, ouais. Alors le singe, parce que vous avez des jurons justement qui viennent d'Alsace, qui sont dignes du capitaine Haddock. Oui, mais il faut savoir que l'alsacien, alors je le parle pas couramment, mais je le comprends un peu, et notamment les insultes, parce que quand on est gamin, c'est ce qu'on parle quasiment le plus facilement. Et c'est vrai que l'alsacien, c'est une langue de paysan, donc c'est une langue extrêmement concrète. Et en fait, c'est une langue qui a effectivement un panel de mots verts et d'insultes absolument phénoménales. Et des insultes à mourir de rire, il y en a vraiment un panel. Et il est vrai que dans mes bouquins, je pille régulièrement, j'ai plein de petits glossaires alsaciens, et je vais prendre des expressions alsaciennes, que je mets en français évidemment, mais voilà, et ce qui donne effectivement quand les gens s'insultent dans mes bouquins, c'est souvent des insultes d'origine alsacienne. Oui. Voilà. Merci Olivier, et je vais vous inviter aux Philippines. Bonjour madame. Alors vous tenez le stand des Philippines et vous nous avez apporté deux barquettes garnies à rabord. Voilà. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors nous avons je vous ai apporté les boulettes de poisson. Oui. Ça, c'est le dessert plutôt, c'est la banane. Ah, on a même le dessert apporté, voilà. Remarquable. Et ça, c'est des légumes, c'est nems aux légumes. Oui. Ça, en fait, c'est à la base de papaye, potiron et de la crevette. Très bien, donc c'est une gastronomie typique, justement, voilà. Philippine. Et puis ça, c'est de saucisses salées, dans le nord du pays, des brochettes. Et puis on appelle ça barbecue en fait. Et puis ça, c'est des brochettes, des saucisses sucrées. Voilà. D'accord, on a, très on bien. A les deux favoris. Et puis ça, c'est l'apéritif qu'on a. C'est et de cacahuètes. Merci voilà. Beaucoup. Et ça, ce sont des mets de tous les jours ou ce sont des mets particulièrement raffinés ou dites-nous. Oui, c'est presque tous les jours en oui. fait. Nous aimons bien manger chez nous et on a toujours des variés. À table, on a toujours des variétés de légumes et de la viande et toutes sortes de... Parce qu'on est né dans un pays où tout pousse. Oui. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de poissons aussi. Et de poissons et de crustacés, voilà. Et de cochons. Très bien. Eh bien, voilà. Écoutez, merci beaucoup, madame. En tout cas, ne vous avisez pas de pêcher dans la Seine. Parce que je pense que nos poissons n'ont même pas, n'ont pas la qualité des vôtres. Ouais. En tout cas, un grand merci car nous allons pouvoir nous régaler. Ouais. Je vous en prie. Et puis bon, bah voilà, vous allez le goûter. Et puis je vous apporte un exotique de chez nous. Et puis voilà, ça sera bien que vous passiez aussi nous voir dans notre absolument. Pays. Moi, je suis là depuis 35 ans et je me plais énormément en France. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la nourriture française, le fromage et tout ça. Et aussi tout, le vin, pas trop, mais... Je vais me mettre. Hein. Nous allons nous y mettre, oui, au vin. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, madame. Je vous souhaite un bon salon. Voilà. Merci, madame. Je vous laisse les mots tout ça. À la bouche. Oh, oui, en fait, il y a la sauce. Attendez. Oui, nous avons un peu de sauce, vous me dites. Sauce vinaigrette, en fait. Sauce vinaigrette, oui. C'est qui va avec un trompé, en fait. Très bien, bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà. Olivier, je vous laisse déguster ça pendant que Colin Feldman. Dis-nous, hein, des nouvelles. Oui, entendu, entendu, merci beaucoup. Plaît, entendu, merci. Colin Feldman, vous venez de Strasbourg, vous êtes cette mystérieuse cinéphile strasbourgeoise dont Olivier, enfin que Olivier saluait lors de notre émission avec Ebel, et je crois que vous avez donc quelques affinités. Oui, absolument, avec merci le roi de Montmartre. Pour la dédicace. Et alors moi aussi, je suis une Alsacienne francophone qui regrette de ne pas parler le dialecte. Mais bon, j'ai quand même glissé un ou deux mots alsaciens, il faudra tendre l'oreille. Alors, si on est strasbourgeois expatrié dans la capitale, comme c'est mon cas, et qu'on a le mal du pays, pas besoin de prendre le train, on peut se rendre place de la Concorde, non loin d'ici, pour voir la statue de Strasbourg, la statue allégorique de la ville. Attention qu'on ne s'avise pas de dire aux strasbourgeois que Bruxelles est la capitale de l'Europe, car ils défendent ce titre bec et ongles. Si Gutenberg, le père de l'imprimerie, a mis au point son procédé à Mayence, c'est à Strasbourg que le futur inventeur a entamé ses travaux. Une place portant son nom le rappelle. De là à dire que l'imprimerie est en partie née à Strasbourg, il n'y a qu'un pas. Et on pardonne aux Alsaciens de le franchir, car c'est bien connu, les Alsaciens sont chauvins. Oui, le chauvinisme alsacien, ouais. La défiance des Haut-Rhinois envers les Bas-Rhinois, et inversement, a toujours cours, mais dans la bonne humeur. Et ne parlons même pas des cousins lorrains, qui en prennent pour leur grade dans des blagues qui font tout le ciel du dialecte alsacien, justement. Heureusement, tout se règle en général par un hopla et un schluck de schnapps. Comprendre une gorgée d'eau de vie. Strasbourg est entouré de villages aux noms imprononçables, finissant par Heim, Bourg ou Villers, et de châteaux, dont celui du Königsbourg, encore un nom en Bourg, qui sert de décor à la grande illusion avec Jean Renoir et Heinrich von Stroheim, encore un nom en Heim. Il est d'ailleurs recommandé aux cinéphiles de voir un film à l'Odyssée, cinéma d'art et d'essai, dont la salle italienne de 1913 est classée à l'UNESCO. À l'Est, rien de nouveau. Si, une flopée de boutiques, de restaurants de tendance, mais il est des choses immuables. La cathédrale de Strasbourg est plus que millénaire. Avec sa tour unique, construite dans le grès rose des Vosges voisines, elle veille sur la ville, et on dit que caresser sa sculpture de petit chien porte chance. En revanche, au Moyen-Âge, il valait mieux ne pas être suspecté de sorcellerie, au risque d'être offert en pâture au corbeau, dans une cage suspendue sous le bien nommé pont du corbeau. On parlait des saisons, la plus chère aux Alsaciens est celle des fêtes de fin d'année. Strasbourg est la capitale de Noël, et ça depuis 447 ans qu'existe le Christkindlesmarkt. Vous n'avez pas encore l'accent. Et justement, pour savoir si on est un Alsacien dans l'âme, un jeu consiste à prononcer Christkindlesmarkt. Oui. Correctement après plusieurs verres de vin chaud à la cannelle. Bah, merci beaucoup, Pauline. Merci. Olivier, est-ce que vous voyez que la terre, est-ce que vous croyez que les villes ont un certain avenir? Ou est-ce qu'elles vont pas se faire progressivement boulotter, que ce soit par l'Europe? On avait Slobodan Despot, justement, j'allais dire au téléphone, mais en émission il n'y a pas très longtemps, et on voyait que les particularismes avaient justement tendance à s'effondrer. Ce n'est pas nouveau, mais ça on le ressent un petit peu dans vos romans, un certain désenchantement. Moi j'ai tendance à croire, enfin quelque part un peu l'inverse, c'est que aujourd'hui, on voit que les particularismes régionaux en Europe, au contraire, resurgissent complètement. Je veux dire par là que je crois qu'à partir du moment où on a une structure qui a dépassé la nation, cette structure en vérité fait tout pour réactiver des structures qui sont inférieurs à la nation pour précisément briser la nation. Enfin, je crois, on le voit aujourd'hui avec la Catalogne. La Catalogne est quand même à deux pas de l'indépendance. L'Écosse aujourd'hui a réactivé. L'Écosse sera indépendante un jour ou l'autre. Enfin, je trouve que justement les nations qui se sont créées et dont on a pu croire à un moment donné qu'elles étaient l'aboutissement d'un processus historique n'était qu'une étape en fait. Je pense que les nations ne sont pas éternelles. Et c'est-à-dire que même la France, on peut imaginer, et là je ne donne pas de jugement du tout, hein. Moi je oscille entre beaucoup je suis alsacien évidemment, mais en même temps je me sens profondément français. J'écris en français, ma langue c'est le français, j'adore la langue française, donc vous voyez, je suis pris dans des choses très contradictoires, et je suis aussi bien de temps en temps nationaliste français que autonomiste alsacien, voire indépendantiste alsacien dans mes bons jours. Donc vous voyez, tout ça est très contradictoire, n'est pas très rationnel. Et tout ça pour dire que je pense qu'au contraire, les identités régionales, elles sont amenées à mon avis à non pas à disparaître, mais à revenir. Et avec les langues également, avec un retour à la langue, un retour au breton, au basque, au corse, à l'alsacien. Oui, de fait, en France, les langues régionales reviennent. Alors le breton est revenu par en haut. C'est la grande différence, c'est que le breton est revenu par l'élite, hein, par l'université, etc. Il s'était quasiment perdu à la base. L'alsacien, par exemple, alors aujourd'hui, l'alsacien, il y a des gens qui viennent de l'intérieur, comme on dit là-bas, c'est-à-dire de la France francophone, et qui disent « Ah là là, tout le monde parle alsacien ». En vérité, quand on voit il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, quasiment 90% de la population parle alsacien. Donc ça s'est considérablement perdu. Mais ça remonte aujourd'hui, ça revient. Et je pense que les identités, de toute façon, une identité régionale, hors la langue, elle n'existe pas. Enfin, je ne crois pas à l'identité sans la langue. Et à mon avis, ces identités, elles reviennent, alors pour le meilleur et pour le pire. Hein, je vous dis, pour moi, il n'y a pas de... Tout ça est compliqué, mais je ne crois pas qu'elles disparaissent. Bientôt un roman en alsacien, je l'espère, ouais. Mais je vous coupe une minute, hélas, car j'ai faim et je pense au dessert qui vient d'arriver. Et en attendant, je vais laisser Georges Brassens endosser les vers du grand poète Tristan Corbière. Et nous allons nous laisser charmer par À la mémoire de Zulma. Elle était riche de 20 ans, moi j'étais jeune de 20 francs, et nous fîmes bourse commune, placée à fond, perdue dans une infidèle nuit de printemps. La lune a fait un trou dedans, rond comme un écu de 5 francs. Par où passa notre fortune, 20 ans 20 francs, et puis la lune, 20 ans 20 francs, et puis la lune. En monnaie, hélas, les 20 ans, en monnaie, hélas, les 20 francs, toujours de trous en trous de lune, et de bourse en bourse commune, c'est à peu près même fortune. Je la trouvais bien des 20 ans, bien des printemps, bien des 20 francs, bien des trous et bien de la lune. Après toujours vierge et 20 ans et colonel à la commune. Puis après la chasse aux passants, aux 20 sols et plus aux 20 francs. Puis après la fosse commune, nuit gratuite. Les mots à la bouche. Vous êtes bien à l'écoute des mots à la bouche, toujours en compagnie d'Olivier Molin et de Georges Brassens qui nous interprétait un poème de Tristan Corbière. Alors nous allons passer au dessert, car nous avons Mirvari en face de nous. Dites-nous Mirvari, votre pays et ce que vous nous avez apporté surtout, car c'est le dessert, ça a l'air succulent. Vous avez même apporté, si je me plante pas, un jus de pomme à la cannelle. J'ai un jus de coin produit en Azerbaïdjan. Oui, alors nous avons ici aujourd'hui jus de coin. Alors attendez, juste une minute, il y a un petit souci de micro, je vais vous laisser par la côté. Oui, bonjour. Alors nous avons ici jus de coin et baklava badamboura, deux sortes de gâteaux traditionnels d'Azerbaïdjan. Alors badamboura, c'est à base de pâte feuilletée, amande plus sucre. Donc après vous avez baklava, il y a plusieurs sortes de baklava comme vous le savez. En Azerbaïdjan on n'utilise pas de miel, c'est plutôt à base de amandes et noix. Après vous avez pâte feuilletée également, du beurre. Donc tout ça vous pouvez goûter bien évidemment pour voir la différence entre différents baklava. Voilà, nous avons d'autres choses sur les stands, mais je vous ai amené tous ces petits trucs pour goûter la cuisine azerbaïdjanaise. Bah, un grand merci. Un grand merci en tout cas, parce que vous nous avez apporté en plus de ça un énorme bouquin sur la gastronomie de l'Azerbaïdjan. Et lorsque je vois la taille du bouquin et les photos qui ont l'air succulentes, je me dis que vous avez un... Parce que ce n'est pas un pays gigantesque, l'Azerbaïdjan, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un pays 9 600 000 habitants. Mais vous avez une gastronomie qui a l'air faramineuse. Exactement. On a une cuisine très riche, avec des saveurs très naturelles. On aime... pas beaucoup d'épices, on utilise toujours très peu pour garder justement les côtés naturels de la cuisine, et c'est pour ça que c'est très bon et les gens ils adorent. Nous sommes très contents d'être là au village de la gastronomie, c'est la deuxième fois que nous sommes là. Et les gens, ils adorent et ça nous fait vraiment très plaisir parce qu'il n'y a pas ailleurs qu'on peut goûter la cuisine azerbaïdjanaise. Absolument, à Paris. Ouais. Il n'y a pas un restaurant ou... Alors, il y a un restaurant mélange qui s'appelle Shirvan, mais ce n'est pas purement azerbaïdjanais, c'est un mélange de quelques autres cuisines. Donc, mais on peut toujours goûter quelques plats azerbaïdjanais au Shirvan. Très bien. Eh bien, en tout cas, Mirvari, un grand merci. Alors là, nous avons vraiment un festin sous nos yeux et nous allons pouvoir poursuivre durant ce petit quart d'heure qui nous reste. Merci beaucoup. Merci à vous. Les mots à la bouche. Skol. Ah, je t'aimais comme un lézard qui pèle aime le rayon qui cuit son sommeil. L'amour entre nous vient battre de l'aile et qu'il saute de devant mon soleil. Ça, ce sont quelques vers de Tristan Corbière et vous ouvrez par deux d'entre eux. Votre roman les retrouvailles, et Corbière me paraît être un personnage de votre galaxie. Poète maudit certes, mais surtout personnage déglingué qui n'était pas très beau, qui a fait les 400 coups, qui se déguisait en pape, qui se promenait avec un cochon en laisse, et que j'aurais très bien vu dans un roman de Olivier Molin. Oui, il aurait pu, assurément il aurait pu l'être. Mais moi j'ai découvert Corbière comme souvent, assez jeune, quand j'étais à la fin de l'adolescence, quoi, et j'ai adoré, comme souvent, parce que c'est le moment, c'est quelqu'un qui dans le par rapport à la vision de la littérature qu'enseignait l'éducation nationale, évidemment détonnait un peu, et voilà. Alors après, cela dit, pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas relu depuis, comme j'ai fait un roman où le personnage se penche sur son passé, j'ai pris un peu du mien, comme on fait souvent, oui. Et donc je lui ai collé l'amour que j'avais pour Corbière à lui. Mais j'ai pas relu Corbière depuis, et ce qui fait que j'ai un souvenir de Corbière qui est probablement totalement faux, et mais en même temps je m'en contente. Vous savez, souvent on a des souvenirs de livres qu'on a lus, et quand on les relit 20 ans après, on est déçu. Mais déçu plus parce qu'en vérité on s'est aussi construit, la réception du livre, quoi. Oui. Alors il y a un poète chinois dont j'aimerais beaucoup vous parler. C'est un poète qui a une destinée et, pareil, souvent vous voyez lorsqu'on lit suffisamment un écrivain, on se met à lire d'autres et on se dit celui-là est molinien. Alors si je ne me plante pas dans la prononciation, c'est Xu Lizi. C'est un jeune poète chinois qui s'est suicidé à l'âge de 24 ans. Et il est ce qu'on appelle un eye slave, donc c'est-à-dire une contraction entre le eye de iPhone et le slave, esclave. Et par rapport à ce que disait Grégoire tout à l'heure, je trouve qu'il rentre parfaitement dans votre univers, de voir cet homme accablé, cet homme qui n'est pas forcément toujours dans une désespérance, mais qui est triste, et une tristesse qui dure, dont il n'arrive pas à se défaire. Et ce poète avait des vers assez forts en disant « J'ai avalé une lune de fer qu'ils appellent une vis, j'ai avalé ces rejets industriels, ces papiers à remplir pour le chômage, les jeunes courbés sur les machines meurent prématurément. » Et il y en a d'autres qui sont des vers très beaux justement, et que de plus en plus on voit, que ce soit dans la littérature, mais même dans la psychologie commune, un rejet, une détestation de ces cités industrielles qui au final enclosent l'homme beaucoup plus qu'elles lui apportent une liberté. Oui, moi je fais partie, enfin, alors là on est devant un représentant de la revue Limite, hein, donc il saura mieux le dire que nous. Mais je crois effectivement qu'il y a une lassitude, et que c'est à notre époque quelque chose de très intéressant. Il y a une lassitude de la modernité, pour moi c'est une évidence. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un rejet, parce que le problème c'est que quelles sont les voies, quelles seraient les voies à prendre. Et je pense que le système médiatique notamment fait tout pour cadenasser en vérité les véritables alternatives, parce qu'une société en vérité elle change de manière, dans ses conceptions, hein, très profondément, uniquement quand il y a quelque chose à proposer. Je veux dire que quand le libéralisme arrive, c'est parce que précisément l'ancien monde s'effondre parce qu'il y a une alternative libérale. Aujourd'hui, il est évident qu'on est beaucoup à droite, à gauche, ça ne sait plus du tout le sujet, mais à attendre une alternative à ce libéralisme destructeur, et c'est la grande question de l'époque, quoi. C'est-à-dire, quelle alternative ? Moi, je pense qu'il y en a qui se dessinent, elles ne sont pas encore prêtes, mais elles se dessinent. Mais après, la vraie complication, c'est que tout est fait pour verrouiller, pour que ces alternatives ne puissent pas paraître crédibles à certaines personnes. Et ça, je pense que c'est quand même, on est au cœur d'un... Il y a une lassitude, c'est-à-dire qu'on voit que cette modernité est une impasse, on voit qu'on est dans une logique, si on déroule la logique, on voit où ça va nous mener, au gouffre. Mais tout le monde le sait, enfin quand je dis tout le monde, les gens qui réfléchissent un peu le savent, que ça nous mène au gouffre. Ceux qui disent l'inverse sont stipendiés la plupart du temps. On sait bien que ça nous mène au gouffre, mais on est quand même dans une époque véritablement tragique, au sens où on sait qu'on va au mur et on y va. Et ça, c'est vraiment une tragédie, alors qui est belle d'un point de vue, de la tragédie, mais qui va nous exposer, à mon avis, à des déconvenues dans les prochaines décennies. Grégoire, ce sont des thèmes qui vous parlent. Et évidemment, il y a une lassitude, il y a une désillusion, et donc forcément, vous parliez de tragique, donc il y a du roman. Donc peut-être que le renouveau romanesque vient aussi, de l'infrastructure. On va faire un peu de marxisme bête et méchant. Et comme il y a de l'infrastructure économique, il y a une lassitude, il y a une cassure. Là, il peut y avoir une force de proposition esthétique et littéraire. Oui, il y a de la tension, et de la tension qui peut créer effectivement, la tension, on sait bien qu'elle est toujours, elle est favorable à la création. Enfin. Mais oui, je suis d'accord, donc c'est une époque, c'est là où il ne s'agit pas d'être manichéen, c'est une époque qui est fascinante, mais qui est en même temps avec des enjeux, je pense, comme rarement dans l'histoire il y en a eu. Alors, il y a eu des périodes d'histoire où il y a des enjeux, mais là on est quand même dans, à mon avis, une époque d'enjeux particuliers. Est-ce qu'on relèvera, c'est toute la question. Il y a un enjeu qui, à mon avis, vous touche beaucoup, Grégoire, donc de la revue Limite, et vous, Olivier, c'est par rapport à l'écologie, non pas l'écologie d'aller becquer des graines tous les dimanches, mais une écologie comme vraiment une sorte de... dites-nous, Grégoire, ouais, parce que vous parliez de Romain Gary, justement, avec ce qu'on appelle le premier roman écologique, les Racines du Ciel. Les Racines du Ciel. On retrouve ça chez Olivier, je trouve. Tout à fait, la littérature écologique, elle date du XXe siècle, parce que le souci date de là, et avec Romain Gary, Les Racines du Ciel, c'est un homme qui, pendant les conflits coloniaux en Afrique, décide non pas de se battre pour les Anglais, pour les Français, pour les Africains, non, mais il se bat pour les éléphants. Et en fait, c'est un souci de l'homme. Et donc, on retrouve un peu ça, c'est un écho dans vos romans, c'est qu'il y a des personnages qui se battent pour un souci de l'homme, dans une vision spirituelle, incarnée, enracinée. Donc il y a un vrai écho, il y a une vraie filiation. Un souci de l'homme et de son bonheur, un véritable bonheur qui ne rentre pas chez Aqualand. Et un souci de l'homme, de son environnement, et un souci de simplement moi je pense que le problème d'une certaine écologie, c'est par exemple de militer pour la planète, c'est-à-dire l'abstraction pure, hein. La planète, aller demander à quelqu'un de sauver la planète, on en a rien à foutre de la planète. Ce qui importe, c'est le lieu où on vit, c'est-à-dire son petit coin où on vit, qu'on veut pas voir pourri par des projets qui détruiraient tout, quoi. Donc je pense que c'est l'ancrage, si vous voulez, à un moment donné. Et ça, il y a aujourd'hui d'ailleurs un mouvement. Alors, toute la question est de savoir de quelle ampleur il a, mais il y a un mouvement de gens qui, une sorte de retour un peu à la terre, de retour. Il y a un mouvement, même dans la bouffe, ça se voit. Alors, il y a des excès, il y a des trucs qui sont ridicules, etc., mais il y a un mouvement, il y a une prise de conscience en tout cas. Après, sur le pareil, il y a plusieurs écologies, hein. Il y a une écologie, parce que c'est tout le truc, c'est qu'à partir du moment où l'écologie pose une vraie question, mais évidemment, tout le but le but, ça va essayer d'annihiler ces questions-là en disant l'écologie, c'est le développement durable, par exemple. Ça, tout le monde sait que c'est de la tartufferie, c'est tout ça. L'écologie, elle pose en vérité une seule question, à mon sens, et j'arrêterai là-dessus après, mais une seule question, c'est est-ce que notre système économique est compatible avec, à terme, avec la sauvegarde de notre environnement à terme. C'est la seule question qui est posée. Quand on regarde de près, la réponse est évidemment non. Oui. Ne serait-ce que parce que, comme la touche l'a montré plein de gens, la croissance illimitée est impossible dans un monde limité. Boum, il faut des limites. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs au 1er juillet. Bien sûr, mais ça, c'est quelque chose qui est en train, à mon avis, petit à petit, quand même, de rentrer. Il y a quand même aujourd'hui une vigueur dans les essais, dans l'intelligence française sur ces questions-là. Les plus beaux essais aujourd'hui sont liés à ces questions-là. Je pense à Olivier Rey, par exemple, qui écrit beaucoup chez vous. Il y a quand même, cette question, elle est en train d'avancer. C'est là où il ne faut pas être totalement pessimiste. La seule question, c'est de savoir si le jour on aura une alternative crédible, réelle, pour une société, est-ce que ce ne sera pas trop tard ? La question est là, quoi. Ça se trouve, ce sera trop tard, ce sera planté, bon voilà. Alors, Olivier Molin, ouais, je vais être obligé de vous couper là, car le temps nous prend, mais je crois que vous nous avez apporté un poème d'un poète, si je me plante pas, américain ou anglais, au moins. Non. William Vous plantez, mon cher ami. C'est un poète belge. Un belge. Il s'appelle William Cliff. Alors, allons-y. qui est aujourd'hui, qui vit toujours, il a 60, je crois qu'il est de 40, donc il a 77 ans. Alors j'ai pris ce bouquin en partant très vite, alors j'ai pas sélectionné mais j'en ai vu un tout à l'heure qui avait l'air très bien. En fait tout est bien, c'est magnifique, vraiment William Cliff, mais je vais quand même vous en trouver un, pas trop long c'est ça, parce que je crois qu'on a plus beaucoup de temps. Oui, bon, trouvez-nous un poème d'une page ou... Alors, il est un peu goré, j'aime beaucoup celui-là, goré, je vais vous lire goré, de William Cliff, dans le livre qui s'appelle Épopée, et qui a été publié à la table ronde, je crois que c'était dans les années 2008, à la table ronde. Au son des tambours du Festival de la Gastronomie. Goré. Ô vous qui aimez tant de naviguer, mais ne pouvez pas vous payer toujours de ces grands bateaux qui traversent les grands océans pour de lointains parcours, accordez-vous alors un court séjour à Goré, qui vous permettra de faire des va-et-vient entre l'île et la terre et vous sentir ainsi sur l'eau portée et regarder briller les luminaires que la nuit fait dans son ciel miroité. Sur la chaloupe ardente et poétique qui va et vient de Dakar à Gorée, vous verrez qu'il jaillisse, qui repique de ces poissons qui voudraient décoller en nous voyant passer et naviguer, fascinés par notre puissance humaine. Mais nous aussi, nous souffrons du problème d'être enchaînés à notre condition. Nous voudrions décoller, hélas, la chaîne humaine nous reprend dans sa prison. Si nous pouvons partir sur des bateaux et naviguer de Dakar à Gorée, nous ne pouvons pas toujours sur les eaux voguer, parce que la terre est collée aux fibres de notre être et fatiguée d'aller et venir, la vieille chaloupe a besoin que l'on radoube sa poupe. Nous devons tous un jour, en cale sèche, rentrer pour bien regarder à la loupe ce que désire notre être revêche. L'homme n'est ni ange ni bête, a dit Blaise Pascal. Hélas, il s'est trompé. L'homme est à la fois ange et bête, oui, l'ange s'en va dans le ciel de Gorée, mais la bête veut sans cesse rentrer aux volontés de son corps sourcilleux. Sur le bateau, il regarde les cieux déployer des millions de luminaires, mais à Dakar, il doit rentrer pour mieux voir le réel de ses millions de frères. Cœur de ténèbres, cœur de la lumière, cœur de chaleur et de dérédiction, pourquoi chercher en dehors de ta chair la raison de ton présent horizon? Cœur de touffeur, qui bat à l'unisson de la poussière intense qui t'oppresse. Oh, va trouver ta prochaine richesse dans la puissance de ton propre corps, sans demander aux autres qu'ils te versent juste de quoi ne pas mourir encore. Les mots à la bouche. Olivier Molin, merci beaucoup pour ce poème. Vraiment merci. Théo, merci à vous. Un petit mot sur ce poème, vous m'aviez l'air... Ah oui, non, vous n'avez pas un petit problème de... Je suis désolé, j'aurais aimé, mais j'avais pas de casque sur les oreilles et le son ici est très gênant, donc du coup, ma critique serait pas vraiment juste. Mal entendu, mais je le lirai plus profondément et je vous ferai un petit retour. Et étant donné que le temps nous presse, vous qui bossez au magazine Saveur, un petit mot justement sur la discussion entre Olivier et Grégoire par rapport à la gastronomie, par rapport à ce retour à la terre, justement, dont on parle beaucoup. Alors oui, j'ai pu suivre la conversation et je suis pas intervenu parce que je suis relativement d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, ce retour à la terre, Olivier l'a dit avec justesse, il donne lieu à parfois des caricatures et des excès, mais il témoigne quand même d'un changement profond, je crois, de société, de prise de conscience écologique qui sont essentielles. Et effectivement, la transformation dans la gastronomie, dans l'agriculture, dans la viticulture. La viticulture est d'ailleurs souvent un indice parce qu'elle est en avance par rapport aux tendances plus générales de l'agriculture. Effectivement, ces retours à des notions écologiques sont devenus essentiels. Enfin, ce retour-là est devenu essentiel et je crois qu'il est amené à rester, à s'ancrer vraiment, et que ce n'est pas une mode passagère. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un réel retour au goût, à la diversité du goût également, un réel plaisir dans la gastronomie. Ouais. Alors ça, effectivement, en fait, ça c'est le résultat en fait qu'entraîne une prise de conscience écologique, le fait que du coup on revient à des produits de terroir, des produits de proximité, des produits de saison. En fait, c'est ce que je disais aussi d'ailleurs dans ma chronique. En fait, si aujourd'hui on veut plus manger des fraises en hiver, c'est parce qu'on a compris déjà que c'était dégueulasse. Ouais. Enfin, à un moment, ça tue la planète, mais en plus c'est dégueulasse, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand on en mange en été, c'est bien meilleur. Enfin, en été ou au printemps. Nous avons le stand espagnol à côté, alors méfiez-vous, comme la plupart de ces fraises proviennent de l'Andalousie. Oui, effectivement, c'est un problème, mais je pense que l'Espagne prendra conscience également. Après, bon, l'ennui est économique, Olivier l'a dit. effectivement, c'est le système économique dans lequel on est qui nous brise, et les alternatives, en tout cas au point de vue de l'agriculture et de la gastronomie, les alternatives aujourd'hui pour acheter sa nourriture se développent de plus en plus, et je pense sincèrement qu'elles sont des alternatives qui ont de l'avenir et dans lesquelles on peut trouver de l'espoir. Oui, très bien. Eh bien, merci beaucoup Théo. Je vais faire un petit tour de table avant de conclure. Olivier, vous gérez avec Romaric Sangars, qui est également un habitué des lieux, le Cercle Cosaque. Qu'y a-t-il de bon là, à venir ? Est-ce qu'il y a de prochaines rencontres, de prochaines charges ? Écoutez, malheureusement, nous avons reçu la dernière fois l'écrivain dont je parlais avant, qui est Mathieu Young, pour son magnifique roman Le Triomphe de Thomas Zins. Et on n'a pas encore de programmation pour la prochaine fois. On fait ça un petit peu quand l'envie nous prend. Enfin, il n'y a pas de règles très précises. Donc on a, je ne sais pas pour l'instant. Eh bien, merci beaucoup Olivier. Théo, oui, au magazine Saveur, quelle est la prochaine couverture ? Est-ce que vous avez un restaurant également à conseiller à nos auditeurs ? Ah, je peux vous conseiller un restaurant comme ça au Dévoté que j'ai testé il y a très peu de temps. C'est le troisième restaurant d'un chef qui est déjà étoilé, qui s'appelle William Le Deuil, qui est donc étoilé pour The Kitchen Gallery et qui a ouvert à Maubert Mutualité son troisième établissement qui s'appelle Kitchen Terre, oui. Dans lequel il travaille des pâtes notamment de farine de Roland Feuillas, qui est un paysan un peu fou qui fait des farines de blés anciens et de variétés oubliées notamment, et qui fabrique des pâtes traditionnelles, enfin d'une manière complètement traditionnelle. Et le restaurant donc de William Le Deuil est autour de ces pâtes et travaille des bouillons, est extraordinaire. Et on peut avoir une cuisine d'un niveau quasiment étoilé pour un menu entrée plat dessert à 30 euros. C'est relativement exceptionnel. Merci beaucoup Théo, merci. Colline, vous qui êtes ultra calé en cinéma, est-ce que vous avez vu un film récemment, que ce soit un vieux film ou un film actuel comme le Redoutable ou autre, que vous pourriez conseiller à nos auditeurs? Alors oui, effectivement, j'ai vu Le Redoutable à Cannes, qui était très sympathique, sans être un grand film, ça se laisse voir et je le conseille. Autrement, Good Time est aussi sorti, qui était passé à Cannes. Très bon également, dans un autre genre, un genre beaucoup plus barré, mais très sympa. Et sinon, pour les amoureux des vieux films, à la Filmothèque du Quartier Latin, en ce moment, il y a une rétrospective Humphrey Bogart pour les 60 ans de la disparition de l'acteur. Voilà, que des bonnes choses au cinéma en ce moment. Ah bah, effectivement, ouais. Merci beaucoup, Colline. Donc, le Redoutable, qui est un film de Hazanavicius, qui est une comédie avec Louis Garrel. Absolument. Merci. Et enfin, Grégoire de Rugy, vous occupez de la partie culture de la revue Limite. Vous qui êtes un grand lecteur, est-ce que vous auriez un bouquin ? Là, un livre, non. En fait, j'allais vous parler d'une expo, donc je suis désolé de ne pas répondre à la question. Non, mais il y a une très belle expo dont j'ai entendu parler, qui va s'ouvrir à la mairie du 5e arrondissement la semaine prochaine. C'est une trentaine d'artistes extraordinaires qui sont pas des artistes conceptuels, mais ce sont des artistes contemporains qui savent peindre, qui savent sculpter. Et c'est une expo qui nous rappelle qu'il y a des gens qui sont encore des artistes aujourd'hui. C'est organisé par Marc Fumaroli, l'académicien, et je la conseille à tout le monde. Merci beaucoup Grégoire, je sais que c'est un thème en plus qui vous est cher, ouais. D'avoir des artistes qui ne sont pas des gangsters de l'art. Ouais. Merci. Et je vais enfin laisser la parole à Adrien Brachet, directeur de Webset Radio, qui avait un petit mot à glisser. Oui, bah, je voulais clôturer cet événement, puisque le week-end du Village International de la Gastronomie touche à sa fin. Et je voulais vous remercier d'abord toute l'équipe d'avoir fait cette émission ici en direct au Village International de la Gastronomie. Puis remercier aussi les organisateurs qui nous ont permis pour la deuxième fois d'avoir un espace, un stand ici. Vraiment, tout au long du week-end, nous avons pu rencontrer des cuisiniers venant des quatre coins du monde. Et c'est vraiment un événement qui est exceptionnel par cette diversité. Et j'invite donc tous les auditeurs à aller sur notre site, où ils pourront retrouver l'intégralité des interviews de tous les cuisiniers. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est le cas de le dire. Et bien sûr, les mots à la bouche, qui seront rediffusés jeudi soir de 20h à 21h. Voilà, merci Yves, et merci à tous. Merci beaucoup Adrien, merci. L'ivresse du bon mot commence à devenir générale et les desserts ne sont pas tout à fait engloutis, nous en reste un peu. Bref, vous l'aurez compris, les mots à la bouche tirent le rideau et vont aller se finir dans la Seine. Un grand merci Olivier Molin d'être venu ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier roman paru aux éditions du Rocher, Les Retrouvailles. Vraiment un grand merci. Un grand merci également à tous nos amis du Village International de la Gastronomie qui nous ont régalés ce soir. Et j'en profite aussi pour saluer Christophe Lafosse qui pour la troisième fois nous a filmé, vidéo que vous pourrez retrouver prochainement sur YouTube. Enfin, merci à Arthur Boulot qui était à la régie ce soir. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur les pages Facebook et Twitter des Mots à la Bouche pour en savoir plus sur nos prochaines tablées et surtout pour retrouver tous les podcasts de nos émissions. Bonne lecture et à la prochaine. Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qui ont toujours fait verre à part. Eux, ils tutoient les anges. Les mots à la bouche.